ne t'en veux pas de ne pas me suivre, alors ne me retiens pas. Trop de références au passé ne sont que des révérences déplacées. Quitte à se déplacer, autant de rien respecter que se paumer sur un chemin qui n'est pas le sien. Le labyrinthe du chien. La la la la la la labyrinthe du chien, le la bla bla vie, labyrinthe du chien, si t'y fais de vieux os, on t'y rongera les os, le la bla bla vie, labyrinthe du chien, le la bla bla vie, labyrinthe du chien, du chien, du chien. On est allé dans la même forêt, mais on ne s'accroche pas aux mêmes branches. Certains embranchements restent à jamais des buissons rapides. Comme une biche, je ne suis pas un bichon. Trop de questions, un point d'interrogation à la forme d'un porte-manteau. Enlève ta veste, ne reste pas suspendu au fond de ton armoire. Une seule porte, mais combien, combien d'échappatoires. Une seule porte, mais combien, combien d'échappatoires. La la la la la, labyrinthe du chien, le la bla bla bi, labyrinthe du chien. Si t'y fais de vieux os, on t'y rongera les os. Le la bla bla bi, labyrinthe du chien. Chacun fait son règne, une bise avant les peignes. Les mouches sont prises dans la toile quand on ne fait pas le ménage. On ne se ménage pas, on ne passe pas le balai dans labyrinthe, mais on peut tricher sur la structure, faire un trou comme une souris à travers les plaintes, à travers les plaintes, ronger le premier os trouvé sur son chemin, prendre racine et devenir les os de demain. Non, non, je ne veux pas me perdre dans le labyrinthe, je ne veux pas me perdre dans le labyrinthe des chiens, non, non. Non, non. La bla bla la, labyrinthe du chien, le la bla bla bi, labyrinthe du chien. Si t'y fais de vieux os, on t'y rongera les os. Si t'y fais de vieux os, on te rongera les os. Le la bla bla bi, labyrinthe du chien, le la bla bla bi, labyrinthe du chien, du chien, du chien. La bla bla vie, labyrinthe du chien, la bla bla vie, labyrinthe du chien, la bla bla vie, labyrinthe du chien, du chien.